héros de notre histoire, solitaire incompris, qui vit sous les ponts et qui passe ses nuits, qui voit comme un refrain passer les travailleurs, quand tous les matins il sent passer les odeurs. Il s'en passe des choses dans une ville de province, quand l'hiver est rude et que les draps sont minces. Il s'en passe du temps quand on regarde la vie dans les pas des passants qui trop vite nous oublient. Héros de notre histoire retrouve ses amis fêtards avec qui passer la nuit. Il ne faut pas croire ce que dit la télé, Maurice fait la manche mais n'est pas fou allié. Il s'en passe des choses dans une ville de province, quand l'hiver est rude et que les draps sont minces. Il s'en passe du temps à cuver son vin, quand on ne pense plus se lever le lendemain. Héros de notre histoire n'a ni cap ni gants, il n'a sauvé personne, il se sauve à chaque instant. Il ne faut pas croire que combattre des moulins est un petit combat, la vie est faite de petits riens. Il s'en passe des choses dans une ville de province, quand l'hiver est rude et que les draps sont minces. Il s'en passe du temps à combattre les idées de ceux qui s'en prennent encore à sa dignité. Héros de notre histoire est parti cette nuit rejoindre un ailleurs, peut-être le paradis. Maurice en est allé sans laisser une lettre, juste un souvenir d'un petit gars honnête. Il s'en passe des choses dans une ville de province, quand l'hiver est rude et que les draps sont minces. Il s'en passe du temps sans jamais nous attendre, il en passe des gens sans jamais nous entendre.